samedi soir et c'est fini le dimanche matin. Un jour on se donne un coup de poignard, on est tous des assassins. Et même quand on a comme toi les yeux d'un ange, ça ne change rien. Aujourd'hui, je suis tout seul en plein Bruxelles dans un tramway. Il pleut des cordes sur la place de Brooker, ce fou le cafard que j'ai. Et je cherche un endroit, j'en parle à soupir sans bas, un endroit où la sono me ferait sauter de mes idées noires. Et je cherche un joujou. Shut up.